bien vu, non je n'ai pas rêvé. Ce poil d'un tendu, je l'ai quitté poussé. Il est là, c'est bien lui, il a surgi cette nuit. Je suis, n'en doutons pas, devenu comme papa. Envie de l'annoncer à toute l'humanité. Les copains, les copines, je vais les épater. À partir de maintenant, ils vont me respecter. Je suis du clan des grands, va falloir le prouver. Je suis un homme maintenant, va falloir m'écouter. Je suis méchant, faut pas me broquer. Mes parents le savaient, ça devait arriver. Ils le disaient de moi, il fait sa puberté. Je crois que j'ai changé de voix. Ça serait les cordes vocales, je n'y comprends que dalle. La vie est ainsi faite, mais pourvu que ça s'arrête. Si Frankenstein me voyait, je suis sûr qu'il se marrait. À l'école on rigole, je deviens leur idole. Je devrais être au collège, c'est vrai que je suis un peu laid. J'ai du retard en études, mais les études c'est rude. On va me prendre pour un vieux, mais j'ai pas froid aux yeux. Je suis un homme maintenant, va falloir m'écouter. Je suis rebelle, je suis méchant, faut pas me provoquer. Mes parents le savaient, ça devait arriver. Ils le disent de moi, il fait sa puberté. Puis ce fut les boutons, là j'ai touché le fond. Ça ne pouvait plus durer. Tous ces petits boutons blancs, je ne peux plus devenir grand. Le pustule, le pullule, ça va durer 2 ans. Maintenant j'ai 30 ans, je n'ai pas vu passer le temps. Quand j'ai un petit bouton, je l'éclate avec passion. La nostalgie du temps où j'étais petit. C'était le bon vieux temps, j'étais adolescent. Je suis un homme maintenant, va falloir m'écouter. Je suis rebelle, je suis méchant, faut pas me provoquer. Mes parents le savaient, ça devait arriver. Il a 10 ans de moi, il fait sa puberté.